يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse afin qu'il vous corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم, et la plus mauvaise des choses est celle qui a été inventée, et toute chose inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout également mène en enfer. Ô vous les gens, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuha an-nas ittaqoo rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mawludun huwa jazin 'an walidihi shay'an inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna Allaha 'alimun khabir. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est une vérité, que la vie présente ne vous trompe pas, et que le trompeur Satan ne vous induise en erreur au sujet d'Allah. La connaissance de l'heure, de la fin des temps n'est qu'auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans le ventre des femmes enceintes, et personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait où il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Durant ce jour, le jour de la résurrection, le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père, lors de ce jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Puis, lorsque viendra le fracas, c'est-à-dire le jour de la fin des temps, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, ainsi que de ses enfants, chacun d'eux, ce jour-là n'aura que son propre cas pour s'occuper. Durant ce jour, toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portera dans son ventre, comme a dit notre Seigneur subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqoo rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allah shadid. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure de la fin des temps est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte apportera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Durant ce jour, il ne restera que les bonnes actions et les mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيَّرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fait alors un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit: Wa nadharu al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khaldalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Et nous placerons les balances exactes pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera alors lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqin مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et on déposera le livre de chaque personne. Tu verras alors les criminels dire effrayés à cause de ce qui se trouve inscrit: malheur à nous, qu'a donc ce livre à nous mettre de mentionner tous les péchés petits ou grands, et ils y trouveront tout ce qu'ils ont accompli, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Durant ce jour, la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala est inévitable. Tout ce qui se trouve sur cette terre est destiné à le rencontrer lors de ce jour qui commence après la mort et qui se poursuit avec tout ce qui s'ensuit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama li ha'ula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ou que vous soyez la mort vous attendra, fuissiez-vous dans des tours imprenables. Et lorsqu'un bien les atteint, ils disent: ceci vient de la part d'Allah. Mais s'il s'agit d'un mal, ils disent alors: ceci est dû à toi, Muhammad. Dit: tout vient d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Et Allah subhanahu wa ta'ala a de même dit: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dit: la mort que vous fuyez va très certainement vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené vers celui qui connaît parfaitement le monde de l'invisible et celui du visible, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide, l'utérus, puis nous créâmes à partir de la goutte une adhérence, puis de l'adhérence un embryon, puis de l'embryon des os, puis nous revêtîmes les os de chair, puis nous le transformâmes en une toute autre création. Alors gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et après cela vous mourrez, ensuite au jour de la résurrection vous serez ressuscité. C'est ainsi qu'a dit notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qu'il a créé les hommes et qu'il les fera mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment pouvez-vous mécroire en Allah alors qu'il vous a fait vivre après que vous étiez sans vie, et il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et c'est enfin vers lui que vous retournerez. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit: نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous, et rien ne nous empêche de vous remplacer par des gens semblables à vous et de vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez certainement connu votre première création si seulement vous rappeliez. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tout homme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre pleine rétribution. Donc quiconque sera écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis aura certainement réussi, et la vie présente n'est qu'objet de jouissance trompeuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a de même dit: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Tout homme goûtera à la mort, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Tout homme goûtera à la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Oh vous les gens, certes Allah subhanahu wa ta'ala a affecté pour nous un ange de parmi ses anges, et il s'agit de l'ange de la mort chargé de retirer nos âmes, et celui-ci ne néglige personne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dit: l'ange de la mort qui est chargé de retirer vos âmes vous fera certainement mourir, ensuite vous serez ramené vers votre Seigneur. Et les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui désobéissent jamais, et ils accomplissent tout ce qu'il leur est commandé de faire. Et Allah a de même affecté à l'ensemble de l'humanité d'autres anges chargés de subordonner l'ange de la mort lors du retrait des âmes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: hatta idha ja'a ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges affectés au retrait des âmes, enlèvent son âme sans aucune négligence. Donc Donc il est impossible qu'une personne ne soit négligée par ses anges. Et il est impossible que son terme de vie soit avancé ou qu'il soit reculé, ne serait-ce que d'une heure ou moins que cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et quand leur terme de vie arrive, ils ne peuvent ni le retarder, ne serait-ce que d'une heure, ni même l'avancer. Par Allah, ceci n'est dû qu'à l'inattention concernant cette rencontre grandiose et ce terrible rendez-vous. Tout le monde rencontrera Allah. Cela est inévitable. Il est donc obligatoire à chaque musulman de se préparer pour ce jour en ayant avec lui ce qu'il aura de meilleur comme bonne œuvre à présenter lors de sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il prenne garde à l'inattention qui l'éloigne du fait de se préparer pour ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô vous qui croyez, que vos biens et vos enfants ne vous distrait du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Écoute l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô toi le croyant. Écoute l'avertissement d'Allah dans sa parole: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allah nafsan idha ja'a ajalaha wallahu. Ô vous qui croyez, que vos biens et vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'ils disent à ce moment: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais des aumônes et serais parmi les gens de bien. Et Allah ne retarde pas le terme de vie d'une âme lorsque celui-ci vient, et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: Innama tu'aduna la'atim wa ma antum bimu'jizin. Ce qui vous a été promis arrivera assurément, et vous ne pouvez pas nous en empêcher. Ceci est un rendez-vous et il ne peut être ajourné. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna ajala Allahi idha ja'a la yu'akharu law kuntum ta'lamun. Et quand vient le terme fixé par Allah, c'est-à-dire la mort, celui-ci ne saurait être reporté si seulement vous saviez. Donc ô toi l'être humain, ne néglige pas cette affaire jusqu'à ce que ton âme n'atteigne ta gorge et que tu ne dises à ce moment: si seulement j'avais accompli ceci ou cela alors qu'un tel était dans le besoin. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé à travers sa sunna authentique la tradition prophétique que ceux qui se rappellent la mort sont les doués d'intelligence et les plus éveillés. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: les gens les plus sages, c'est-à-dire les plus raisonnables, sont ceux qui se rappellent la mort le plus. Le récit est authentique et il provient de Abdullah ibn Amr radiallahu anhu. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commandé aux gens de se rappeler et d'évoquer la mort, sachant les nombreux profits que l'on peut en tirer. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: multipliez les rappels du destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort, car personne ne l'évoque en étant dans l'aisance sans que cela ne lui fasse ressentir l'étroitesse, et personne ne l'évoque lors d'un tristement sans que cela ne soulage sa peine. Ainsi, si tu te sens angoissé ou affligé, ou si tu es dans la difficulté, ou bien dans la misère ou la pauvreté, ou encore dans la déroute, eh bien notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit: laqad khalaqnal insana fi kabad. Nous avons certainement créé l'homme pour une vie de lutte. Alors à ce moment, si tu te rappelles la mort, ton cœur se tranquillisera et ton esprit s'apaisera, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on présentera le jour de la résurrection la personne qui aura joui le plus des bienfaits de ce bas monde parmi les gens qui entreront en enfer. On la trempera dans le feu une fois, puis il lui sera dit: ô enfant d'Adam, as-tu déjà profité des bienfaits de ce bas monde dans ta vie? As-tu déjà connu le bien? Cette personne dira alors: oh que non mon Seigneur. Et on présentera aussi la personne qui aura vécu le plus la misère dans ce bas monde parmi les gens qui entreront au paradis. On lui fera entrer un laps de temps, puis il lui sera dit: ô enfant d'Adam, as-tu déjà vécu dans la misère? As-tu déjà connu la difficulté? Cette personne dira alors: oh que non mon Seigneur. Et tout ce que vous voyez chez de nombreuses personnes comme rivalité et conflit entre eux dans cette vie d'ici bas dans le but d'acquérir les biens qui s'y trouvent, et bien par Allah, tout cela n'est dû qu'à l'inattention sévère concernant la mort, car la mort est un sujet des plus graves, et la mort a des affres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa ja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Et l'agonie de la mort vint alors avec la vérité, et il sera dit aux morts: voilà ce dont tu t'écartais. Tu ne peux ainsi échapper à l'agonie de la mort, car la mort t'atteindra inévitablement, quand bien même tu te trouverais le haut d'une tour imprenable. Donc personne ne peut échapper à la mort. Et parmi les étapes de la mort, il y a l'agonie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais les injustes alors qu'ils subiront les affres de la mort, et que les anges leur tendront leurs mains en disant: faites sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et la mort a son angoisse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam agonisait, sa fille Fatima radiallahu anha le regarda et dit: mon père agonise. Il dit alors: ton père ne ressentira plus jamais d'angoisse après ce jour. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera plus jamais angoissé après son agonie, après sa mort. Et il était reposé lors de son agonie sur Aïcha radiallahu anha, la tête posée sur ses cuisses, et il dit: mais plutôt le degré le plus élevé, mais plutôt le degré le plus élevé. C'est-à-dire qu'il avait choisi le degré le plus élevé dans la vie ultime en comparaison avec ce bas monde. Aïcha radiallahu anha a dit plus tard: je n'ai plus autant détesté que la mort ne frappe quelqu'un après qu'elle ait frappé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la mort, elle ne fait que l'âme se sépare du corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le regard suit l'âme lorsqu'elle sort du corps, comme cela a été rapporté par Muslim dans ce recueil de récits authentiques, d'après le récit de Abu Huraira et Salama radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de fermer les yeux du mort, et qu'il a dit: certes, le regard suit l'âme lorsqu'elle sort du corps. La mort sépare les familles ainsi que l'argent et les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: kalla idha balagatit taraqiya wa qila man raq. Et bien non, quand l'âme atteindra le niveau des clavicules et qu'il sera dit: y a-t-il un exorciseur? Ainsi, la mort atteint les clavicules et la ruqya, l'exorcisme, n'est à ce moment d'aucune utilité, de même que les remèdes médicaux, et personne ne peut y changer quelque chose, qu'il s'agisse d'un proche parent ou d'un lointain. Wa dhanna annahu al-firaq. Et que celui qui agonise sera convaincu qu'il s'agit là de la séparation, c'est-à-dire de la mort, et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. La mort est annonciatrice d'exil. Un des valets de Uthman radiallahu anhu a dit: lorsque Uthman se trouvait devant une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée. On lui dit alors: tu ne pleures pas quand tu évoques le paradis et l'enfer, et tu pleures de ceci? Il dit alors: certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tombe est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. S'il échappe à son supplice, alors ce qui suivra après cela sera certainement plus facile. Mais s'il n'y échappe pas, alors ce qui vient par la suite sera assurément plus difficile. Il dit aussi: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai jamais vu de vision sans que celle de la tombe ne soit plus atroce qu'elle. Et il a été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après le récit d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la dépouille mortelle a été préparée et que les hommes ont commencé à la porter sur leurs épaules afin d'aller l'enterrer, si le mort était une personne pieuse, alors il dira: avancez-moi. Mais si celui-ci ne l'était pas, il dira: malheur à moi, où se dirige-t-il? Toutes les créatures entendent à ce moment sa voix, sauf les êtres humains. Et s'ils l'entendaient, ils en seraient foudroyés. Aussi, dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après le récit d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, et autres, dans le même sens que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: accélérez le pas lors du cortège funèbre. S'il est mort était quelqu'un de pieux, alors il est meilleur pour lui que vous l'avanciez. Mais si c'était une personne mauvaise, alors le fait que vous le portiez sur vos épaules afin d'aller l'enterrer est un mal pour lui. Par Allah, cette affaire est terrible, et tout le monde chemine vers cette direction. Et il a été rapporté dans le recueil de récits authentiques de Muslim, d'après le récit de Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les tombes, et il arrivait parfois qu'il aille la nuit au cimetière d'Al-Baqir, comme il incitait de le faire. Et il a dit: visitez les tombes, car elles vous font rappeler l'au-delà. Aïcha lui dit alors: que dois-je dire lors de la visite des tombes, ô messager d'Allah? Il répondit: dis que la paix soit sur vous, ô habitants des tombes, parmi les les croyants, les muslimoun. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont précédés parmi nous, ainsi qu'à ceux qui nous succéderont. Et nous nous joindrons très certainement à vous par la volonté d'Allah. Donc il est inutile que tu ralentisses ton train de vie dans ce bas monde, car tu rencontreras fatalement ce qu'a rencontré celui qui t'a précédé de quelques jours. Et tu goûteras certainement ce qu'il a goûté. Et il a été rapporté d'après Buraïda, radiyallahu anhu, d'après Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la paix soit sur vous, ô habitants des tombes parmi les croyants, et nous nous joindrons très certainement à vous par la volonté d'Allah. Nous demandons à Allah pour nous, ainsi que pour vous, la préservation de tout mal. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la volonté d'Allah, est ici confirmative, non employée comme simple commentaire, car tout le monde finira par rejoindre tous ses morts. Et dans le recueil du récit authentique de Muslim, dans le récit de Auf ibn Malik al-Ajza'i radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'il priait sur un mort, ô Seigneur, pardonne-lui et fais-lui miséricorde, expie-lui ses péchés et préserve-le contre tout mal, fais-lui un bon accueil dans sa demeure et élargis son entrée, et lave-le avec de l'eau, de la glace ainsi que de la grêle, et purifie-le de tout péché comme on purifie le vêtement blanc de la saleté, et donne-lui une demeure meilleure que celle qu'il avait dans ce bas monde, ainsi qu'une famille meilleure que celle qu'il avait dans ce bas monde, ainsi qu'une compagne meilleure que celle qu'il avait dans ce bas monde, et préserve-le des supplices de la tombe ainsi que du châtiment du feu de l'enfer. Aouf, radiyallahu anhu, dit alors, j'aurais tant aimé être à la place de ce mort, dû aux invocations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fait en sa faveur. Donc prépare tes provisions pour l'au-delà, au serviteur d'Allah. Et il a été établi dans le récit de Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, la meilleure des personnes est celle dont la vie a duré et dont les actions se sont améliorées, et la plus mauvaise des personnes est celle dont la vie a duré et dont les actions ont empiré. Et il a aussi été rapporté d'après l'imam Ahmed ce récit. Il y avait un homme qui mourut dans le combat, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un autre qui mourut un an après le premier. Un homme vit en rêve que le deuxième homme avait dépassé le premier degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il alla alors interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, qui lui répondit, de quoi t'étonnes-tu? Cette personne n'a-t-elle pas jeûné un mois de Ramadan supplémentaire et n'a-t-elle pas prié après lui 5000 prières ou 6000 prières? C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exposait que le musulman dont l'âge se prolonge et dont les œuvres se bonifient avec le temps, que ceci est un bien pour lui, mais il faut malgré tout qu'il sache que s'il meurt, ce qui l'attend auprès d'Allah est bien meilleur que tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la vie future est assurément meilleure pour toi que la vie présente, et ton Seigneur t'accordera ses faveurs et tu seras alors satisfait. Et Allah a de même dit subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin wa lanajiyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tout ce que vous possédez sur cette terre est voué à disparaître, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils accomplissaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Et si vous punissiez, infligez à celui qui sera puni une peine correspondant au tort qu'il vous aura fait. Et si vous endurez, eh bien la patience est certainement meilleure pour les endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qul ya ibadi alladhina amanu ittaqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanatun wa ardullahi wasi'a innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dis ô mes serviteurs qui croyez, craignez votre Seigneur, ceux qui ici-bas font le bien auront une récompense, et la terre d'Allah est vaste, et les endurants seront récompensés pleinement sans compter. Et dans le recueil du récit authentique d'Al-Bukhari, d'après le récit de Ubadah ibn Samit et Abu Huraira et Aisha et Anas ibn Malik et Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhum, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui aura aimé la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aimera le rencontrer, et celui qui aura détesté rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah détestera le rencontrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ô mon Seigneur, je te demande de m'accorder le plaisir de la vie de ton visage le jour de la résurrection, ainsi que le désir ardent de te rencontrer sans subir le moindre mal ni dure épreuve. Et aussi dans le précédent récit de Auf radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ce mort, afin qu'il lui accorde une demeure meilleure que celle qu'il lui avait accordée dans son bas monde, ainsi qu'une compagne meilleure que celle qu'il avait dans son bas monde. Parfaitement par Allah, le croyant s'il quitte cette vie d'ici bas et se dispose disposent à la vie ultime. Des anges au visage blanc éclatant viennent alors à lui, lui annonçant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait promis. Et ils viennent à lui avec des parfums parmi les parfums du paradis, ainsi que des linceuls parmi ceux du paradis, comme cela a été mentionné dans le long récit d'Al-Bara radiallahu anhu. Et Al-Bukhari a rapporté dans ce recueil de récits authentiques, d'après le récit d'Abu Qatada Al-Ansari radiallahu anhu, qu'un cortège funèbre passa devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il dit alors: reposez ou soulagez de lui. Les compagnons ridwanullahi alayhim dirent alors au messager d'Allah: quel est le sens de ta parole, reposez ou soulagez de lui? Il dit: le croyant est reposé de la fatigue ainsi que des nuisances de la vie d'ici-bas par la miséricorde d'Allah, tandis que le pervers, les gens sont soulagés par sa mort, de même que la terre, les végétaux et les animaux. C'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a exposé que la vie ultime est meilleure pour l'être humain que la vie de ce bas monde, si celui-ci était sur le droit chemin, et qu'il sera reposé et apaisé dès la bonne cette vie d'ici-bas. Omar ibn Abdel Aziz rahimahullahu ta'ala a dit: certes je connais une chose. Puis il évoqua en disant: si je vis longtemps, je vous l'exposerai, mais si je meurs, votre compagnie ne me manquera pas. Voilà comment étaient les plus prédécesseurs. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser les pâturages, puis qui en a ensuite fait un foin sombre. Ceci étant dit, Allah Azza wa Jalla a dit dans son noble livre: Hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dit alors: mon Seigneur, fais-moi revenir sur cette terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Eh bien non, c'est une simple parole qu'il prononce. Et après la mort, il y a le barzakh, une période intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: wa ma khalaqna as-samaa'a wal-ardha wa ma baynahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailan lilladhina kafaru min an-nar. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre, et ce qui existe entre vainements, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Et Allah subhanahu wa ta'ala a de même dit: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ. Ce n'est pas par amusement et distraction que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui s'y trouve entre eux. Si nous avons voulu le faire, nous l'aurions pris de nous-mêmes, si vraiment cela était notre but. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi exposé à travers ces versets que le pervers espérera après sa mort revenir dans ce bas monde afin d'accomplir de bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Ils ne pourront à ce moment faire de testament ni retourner auprès de leur famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُقَّى لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils diront: si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de la fournaise. Ils reconnaîtront alors leur péché. Que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Oh vous les gens, cette affaire est très importante et il est donc obligatoire à chaque muslim de s'y préparer, car personne ne sait quand viendra sa mort, de nuit ou de jour, pendant sa jeunesse ou sa vieillesse. La mort lui viendra-t-il alors qu'il sera dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en sa désobéissance? Lui viendra-t-elle alors qu'il se trouvera dans une bonne situation ou dans une mauvaise? Il est donc obligatoire à toute personne éveillée d'être des plus attentives à ce qui lui est véritablement utile et profitable dans sa vie d'ici-bas, à savoir à se préparer à ce rendez-vous pour sa vie future, comme l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Umar radiallahu anhu, en lui disant: ô Abdallah, sois dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou un voyageur. Et Ibn Umar radiallahu anhu disait: si tu envisages de faire un bien le lendemain matin alors que c'est la fin de la journée et que tu pourrais faire cette chose maintenant, n'attends donc pas le lendemain matin. Et si tu envisages de faire un bien en fin de journée alors alors que c'est le matin et que tu pourrais faire cette chose maintenant, alors n'attends pas la fin des journées et profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne convient pas à un croyant qui a une recommandation à faire après sa mort de dormir plus de 3 nuits sans que son testament ne soit auprès de lui rédigé. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a dit après cela, il ne s'est pas passé une nuit depuis que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dire cela sans que mon testament ne soit près de moi. Donc prépare tes provisions pour l'au-delà, prépare tes provisions pour l'au-delà avec des choses qui te seront utiles et profitables à ce moment aux serviteurs d'Allah. Ainsi dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari d'après Anas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses suivent le mort lors de son cortège funèbre: sa famille, ses biens et ses actions. 2 d'entre elles reviennent et une seule reste avec le mort. Sa famille et ses biens reviennent et ses actions restent avec lui. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormit un jour sur un paillasson. Omar radiallahu anhu vint auprès de lui alors qu'il se trouvait allongé sur ce paillasson qui lui avait causé des traces sur son flanc. Omar radiallahu anhu lui dit alors, ô prophète d'Allah, si tu prenais à la place de ce paillasson un matelas bien plus confortable. Il lui dit alors, quelle valeur a pour moi ce bas monde? Cette vie d'ici-bas est pour moi telle l'ombre d'un arbre sous laquelle un cavalier voyageant de jour en pleine chaleur se reposa un moment puis reprit son chemin. C'est cela la préparation pour la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été établi d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu qui a dit, un homme dit un jour, ô messager d'Allah, un tel possède un palmier qui se trouve à l'endroit où j'aimerais construire un mur. Commande lui de me le donner afin que je puisse édifier mon mur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à cet homme, fais lui don de son palmier en échange d'un palmier au paradis. Mais l'homme refusa. Abu Darda radiallahu anhu alla voir le propriétaire du palmier et lui dit, vends moi ton palmier en échange de mon jardin. Ce qu'accepta l'homme, Abu Darda radiallahu anhu vint après auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, j'ai fait l'acquisition du palmier en échange de mon jardin, donne le donc à cet homme car il est maintenant en ta possession. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ainsi et à plusieurs reprises, combien de grappes de palmier ont été dépouillées en faveur d'Abu Darda au paradis. Abu Darda radiallahu anhu s'en alla auprès de son épouse et lui dit, ô Darda, sors du jardin car je viens de l'échanger contre un palmier au paradis. Son épouse dit alors, Abu Darda a assurément gagné dans cette vente. Voilà comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se préparaient pour l'au-delà et rivalisaient dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens dans les dons d'aumône, Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit, cette fois je dépasserai Abu Bakr. Il partit ainsi et fit don de la moitié de tout son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, de quoi tu fais don, Omar? Il répondit, de la moitié de mon argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite à Abu Bakr, et toi Abu Bakr, de quoi tu fais don? Il répondit, de tout mon argent. Et j'ai laissé à ma famille Allah et son messager Omar radiallahu anhu tout à l'heure, je ne dépasserai jamais Abu Bakr. C'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète ridwanullahi alayhim. Ils ne cessaient de rivaliser dans l'accomplissement de bonnes œuvres en préparation à la vie future. Et un homme dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où serais-je si je combats dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô messager d'Allah? Il répondit, au paradis. L'homme jeta ainsi quelques dattes qu'il tenait en sa main, puis il alla combattre jusqu'à ce qu'il fut tué. Voilà comment agissaient les compagnons ridwanullahi alayhim. Ils étaient désireux d'accomplir des bonnes actions petites ou grandes qui les rapprocheraient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la ferme conviction que la mort allait fatalement les atteindre, comme l'a dit notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna li basharin min qablika al khulda afam mita fa hum al khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish sharri wal khair fitnatan wa ilayna turja'un. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi, ô Mohammed. Seront-ils éternels si tu meurs? Toute âme goûtera la mort. Et nous vous éprouvons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Nas'alullah an yuwaffiqana li ta'atihi wa an yujannibana ma'asihi.